J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère. Faut lui enlever le droit de vote. Elle confond Miss France et le gouvernement. Personne lit aucun programme, tout le monde débat quand même. Y'a peu de chances qu'on s'en sorte. J'dis ça, j'vote pas, cherche pas de logique là-dedans. La Marseillaise et la drill parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut plus rien dire et disent la merde tout le temps. Quand j't'ai fait, tout le monde faisait semblant de travailler. On tuait le temps à dire du mal des autres employés. T'es foutu, t'avais juste à faire une grande école. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Tous les faits divers sont des craquages aux alcools. C'est ce qu'on préfère, lève ton verre. À la France. À la la la la la la la France. À la la la la. À la France. À la la la la la la la France. Wow. À la France. À la la la la la la la France. À la la la la. À la France. À la la la la la la la France. Wow.